Saint Augustin, œuvre dogmatique de la Trinité. Livre 8e, de la nature de Dieu. Markhamdanarchive.org, d'après abbaye Saint-Benoît.ch, licence Creative Commons. Pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Non seulement le Père n'est pas plus grand que le Fils, mais les deux ensembles ne sont pas plus grands que le Saint-Esprit. Quelle est la nature même de Dieu d'après l'idée de la vérité, la notion du souverain bien, et l'amour inné de la justice, qui fait aimer l'âme juste par l'âme qui n'est pas encore juste? On doit chercher la connaissance de Dieu par l'amour, puisque, d'après les Écritures, Dieu est amour, et que l'amour porte une certaine empreinte de la Trinité. Prologue. Résumé de ce qui a été dit plus haut. Règle à suivre dans les questions de foi trop difficiles. Nous avons dit ailleurs que les attributs qui déterminent les rapports des personnes entre elles, sont ceux qui distinguent ces personnes dans la Trinité et leur appartiennent en propre, comme la qualité de Père, de Fils et de présent des deux, qui est le Saint-Esprit car le Père n'est pas la Trinité, ni le Fils la Trinité, ni le Don la Trinité. Quant à ce qu'ils sont en eux-mêmes, on ne l'exprime point au pluriel, mais ils sont une seule chose, la Trinité elle-même. Ainsi comme le Père est Dieu, comme le Fils est Dieu, comme le Saint-Esprit est Dieu, de même le Père est bon, le Fils est bon, le Saint-Esprit est bon. Le Père est tout-puissant, le Fils est tout-puissant, le Saint-Esprit est tout-puissant, et pourtant il n'y a pas trois dieux, trois bons, trois tout-puissants, mais un Dieu unique, bon, tout-puissant, la Trinité même, qui est tout ce que l'on peut dire de chaque personne en elle-même, et en dehors du sens relatif. Car tous ces attributs se rapportent à l'essence, puisque, là, c'est la même chose d'être et d'être grand, d'être bon, d'être sage, et que tout ce qu'on peut dire de chaque personne en elle-même, on peut le dire de la Trinité. Si donc on parle de trois personnes ou de trois substances, ce n'est pas pour introduire la moindre diversité dans les sens, mais pour répondre d'un seul mot à cette question. Qu'est-ce que les trois, tres Veltria? Du reste l'égalité est-elle dans cette trinité que non seulement le Père, au point de vue de la divinité, n'est pas plus grand que le Fils? Mais que le Père et le Fils ensemble, ne sont pas plus grands que le Saint-Esprit, et qu'aucune des personnes prises en particulier, n'est en rien, moindre que la Trinité elle-même. Nous avons dit cela, et si nous le répétons si souvent, c'est pour en rendre la connaissance plus familière. Cependant il faut savoir se borner et prier Dieu, avec la plus grande ferveur, qu'il nous ouvre l'intelligence et éloigne de nous l'esprit de contention, afin de pouvoir saisir par la pensée l'essence de la vérité immatérielle et immuable. Maintenant donc, avec l'aide du Créateur, si merveilleux dans ses miséricordes, étudions ce même sujet, que nous approfondirons un peu plus que ci-dessus, sans nous départir de cette règle. Que notre foi retiendra fermement ce que notre intelligence n'aura encore pu pénétrer. Chapitre 1er. La raison démontre qu'en Dieu les trois personnes ne sont pas plus grandes qu'une seule. Nous disons donc que dans la Trinité, deux ou trois personnes ne sont pas plus grandes qu'une, vérité que le sens charnel ne comprend pas, parce qu'il ne saisit les réalités dans l'ordre de la création que tant qu'il le peut, et ne saurait voir la vérité elle-même par qui tout a été créé. Car s'il le pouvait, ce que nous venons de dire serait plus clair pour lui que la lumière du soleil. En effet, dans la substance de la vérité, qui seule existe réellement, être plus grand ce serait être plus vrai. Or, Dans tout ce qui est intelligible et immuable, une chose ne saurait être moins vraie qu'une autre, puisqu'elle est également immuable et éternelle, et ce qu'il y a là de grand, n'est grand que parce qu'il existe vraiment. Par conséquent, là où la grandeur est la vérité même, ce qui est plus grand doit nécessairement contenir plus de vérité, et tout ce qui ne contient pas plus de vérité, ne saurait être plus grand. Or évidemment, tout ce qui contient plus de vérité, est plus vrai, comme tout ce qui contient plus de grandeur est plus grand. Donc ici tout ce qui est plus vrai est plus grand. Mais le Père et le Fils ensemble ne sont rien de plus vrai que le Père seul ou le Fils seul. Donc les deux ensemble ne sont rien de plus grand que chacun d'eux. Et comme le Saint-Esprit est également vrai, le Père et le Fils ne sont rien de plus grand que lui, parce qu'ils ne sont rien de plus vrai. Et le Père et le Saint-Esprit ensemble, ne l'emportant point en vérité sur le Fils, car il n'existe pas plus véritablement, ne l'emporte point non plus en grandeur. De même le Fils et le Saint-Esprit ensemble sont aussi grands que le Père, parce qu'ils sont aussi réellement que lui. La Trinité elle-même est donc aussi grande que chacune des personnes qu'elle renferme, car là où la vérité même est la grandeur, une personne qui n'est pas plus vraie ne peut être plus grande. Et la raison n'est que dans l'essence de la vérité, être et être vrai sont la même chose, être et être grand sont aussi la même chose. Par conséquent, être vrai, c'est être grand. Donc, là, ce qui est également vrai, est nécessairement également grand. Chapitre 2. Pour comprendre comment Dieu est vérité, il faut écarter de son esprit toute image matérielle. Dans l'ordre matériel, il peut arriver que tel or soit aussi vrai que tel autre, mais non que l'un soit plus grand que l'autre, parce que, là, la vérité n'est pas la grandeur, et que être or et être grand ne sont point la même chose. De même, dans la nature de l'âme, la grandeur ne se mesure pas sur la vérité. En effet, l'homme qui n'est pas magnanime a cependant une âme vraie, car l'essence du corps et de l'âme n'est pas l'essence même de la vérité, comme dans la Trinité, où Dieu est un, unique, grand, vrai. Vérace, vérité. Quand nous cherchons à le comprendre, autant qu'il le permet et l'accorde, écartons de notre esprit toute idée de contact ou de rapprochement dans l'espace, comme s'il s'agissait de trois corps, toute idée de structure corporelle, comme la fable nous en montre une d'Angierion, le géant a trois corps. Rejetons sans hésiter toute image où trois serait plus grand qu'un, ou un serait moins que deux, car c'est ainsi qu'on repousse toute idée corporelle. Et dans l'ordre spirituel, que rien de ce qui est sujet à changement ne soit pris pour Dieu. Quand, de la profondeur de notre misère, nous nous portons vers ses hauteurs, une bonne partie de la tâche est déjà remplie si, avant de pouvoir parvenir à savoir ce que Dieu est, nous venons à bout de savoir ce qu'il n'est pas. Or, il n'est certainement ni la terre, ni le ciel, ni rien qui ressemble à la terre ou au ciel, ni rien de pareil à ce que nous voyons dans le ciel, ou que nous n'y voyons pas et qui est peut-être. Quand vous augmenteriez en imagination la lumière du soleil, son volume, sa clarté, mille fois ou une multitude innombrable de fois, ce ne serait pas encore Dieu. Quand vous vous figureriez les anges, ces esprits purs qui animent les corps célestes, les changent ou les dirigent par leur volonté soumise à celle de Dieu, quand vous les réuniriez tous, et ils sont des milliers de milliers, Apocalypse 5, 11, et que vous n'en formeriez qu'un seul être, ce ne serait pas encore Dieu? Pas même si vous vous imaginiez ces mêmes esprits sans forme corporelle, ce qui est très difficile à notre pensée charnelle. Comprends donc, si tu le peux, ô âme accablée par un corps sujet à la corruption, et obscurci par une innombrable variété de pensées terrestres, comprends cela si tu le peux. Dieu est vérité. Sagesse 9, 15. Car il est écrit, que Dieu est lumière, 1, Jean 1, 5, non une lumière comme celle que nous voyons des yeux du corps, mais comme ton cœur la voit, quand tu entends dire, c'est la vérité. Ne cherche pas à savoir ce que c'est que la vérité, car aussitôt les ombres des images corporelles, et les nuages des vingt fantômes s'élèveront, et, troubleront la lueur sereine qui t'a d'abord frappé, quand j'ai prononcé ce mot, vérité. Reste donc, si tu le peux, sous l'impression de ce rapide éclair qui luit à tes yeux, quand on dit, vérité. Mais tu ne le peux pas, tu retombes dans les pensées terrestres qui te sont habituelles. Et quel est, je te le demande, le poids qui t'entraîne, sinon celui des souillures contractées par l'attrait de la cupidité et les égarements du pèlerinage? Chapitre 3. Dieu est le souverain bien. L'âme ne devient bonne qu'en se tournant vers Dieu. Encore une fois, vois, si tu peux. Certainement tu n'aimes que ce qui est bon, car c'est bon, cette terre qui s'élève en montagne, ou s'abaisse en colline et en plaine, ce domaine agréable et fertile, cette maison construite en ailes régulières, vaste, inondée de lumière, ces animaux, corps vivants, cette atmosphère tempérée et salubre, cette nourriture savoureuse et saine, cette santé exempte de douleur et de fatigue, cette face humaine régulière dans ses traits, portant l'empreinte de la gaieté et animée de vives couleurs, ce cœur d'ami aussi aimable dans sa condescendance que fidèle dans son attachement, c'est bon, cet homme, probe et juste, ces richesses qui procurent tant d'aisance, ce ciel orné de soleil, de lune et d'étoiles, ces anges avec leur sainte docilité, ce langage plein d'une douce instruction et de sages avertissements, cette poésie au rythme si harmonieux, aux pensées si sérieuses. Que dire de plus? Oui, ceci est bon et cela encore, mais ôte ceci et cela et vois le bien en lui-même, si tu peux, et alors tu verras Dieu, bon, non par emprunt, mais bien de tout bien. Et dans tous ces biens que j'ai énumérés, ou qui peuvent s'offrir à la vue et à la pensée, nous ne pourrions, en jugeant sainement, dire l'un supérieur à l'autre si nous n'avions, imprimé au-dedans de nous, la notion du bien lui-même, d'après lequel nous déclarons une chose bonne et préférons un bien à un autre. C'est ainsi qu'il faut aimer Dieu, non pas tel ou tel bien, mais le bien lui-même. Car il faut chercher le bien de l'âme, non un bien qu'elle effleure en passant, mais auquel elle s'attache avec amour, et quel est ce bien, sinon Dieu? L'âme n'est pas bonne, l'ange n'est pas bon, le ciel n'est pas bon, mais le bien seul est bon. Un exemple fera peut-être mieux comprendre ce que je veux dire. Quand j'entends parler d'une âme bonne, il y a là deux expressions, et à ces expressions se rattachent pour moi deux idées. Elle est âme, elle est bonne. Pour être âme, l'âme elle-même n'a rien fait, car il n'y avait rien en elle qui pût faire qu'elle existât. Mais pour être âme bonne, je vois que sa volonté a dû agir. Non que le seul fait d'être âme ne soit déjà quelque chose de bon, autrement pourquoi la dirait-on, et avec toute raison, meilleure que le corps? Mais cela ne suffit pas pour qu'on la dise âme bonne, parce qu'il lui reste à agir par la volonté, pour se rendre meilleure. Si elle n'en tire point parti, on la blâme à juste titre, Et on a raison de dire qu'elle n'est point une âme bonne, car elle diffère de celle qui agit ainsi, et si celle-ci est digne d'éloge, celle qui fait autrement est nécessairement digne de blâme. Mais quand elle agit dans l'intention de devenir bonne, elle ne peut atteindre son but qu'en se dirigeant vers un objet autre qu'elle-même. Or, où se tournera-t-elle pour devenir bonne, sinon vers le bien, en l'aimant, en le désirant, en l'obtenant? Si donc elle s'en détourne de nouveau et cesse d'être bonne, par le seul fait qu'elle se détourne du bien, à moins de conserver en elle-même le bien dont elle se détourne, elle ne sait plus où se tourner, si elle veut s'amender. Il n'y aurait donc pas de bien changeant, s'il n'y avait un bien immuable. Ainsi, quand vous entendez parler de telle et telle chose qui sont bonnes, et pourraient d'ailleurs ne l'être pas, si vous pouvez, en dehors de ces choses qui ne sont bonnes que par participation au bien, entrevoir le bien même dont la participation les rend bonnes, et vous en avez l'idée, dès qu'on vous parle de telle ou telle chose bonne, si, dis-je, vous pouvez, en faisant abstraction de ces objets, entrevoir le bien en lui-même, vous aurez entrevu Dieu. Et si vous vous attachez à lui par l'amour, vous goûterez aussitôt le bonheur. Mais quelle honte de s'attacher à des objets qu'on n'aime que parce qu'ils sont bons et de ne pas aimer le bien même qui les rend bons. Et l'âme elle-même, qui, en tant qu'âme et avant de devenir bonne en se tournant vers le bien immuable, mais simplement parce qu'elle est âme, nous plaît tellement que nous la préférons même à la lumière matérielle, si nous avons le sens droit. L'âme, dis-je, ne nous plaît pas en elle-même, mais dans la puissance qui l'a créée. Nous puisons notre amour pour elle dans la source même dont nous voyons qu'elle est sortie. Voilà la vérité et le bien simple, qui n'est pas autre chose que le bien même et, par conséquent, le souverain bien. Car un bien ne peut diminuer ou grandir, que quand il n'est bien que par un autre bien. Pour être bonne, l'âme se tourne donc vers ce qui l'a fait âme. C'est alors que la volonté s'unit à la nature pour perfectionner l'âme dans le bien, quand cette volonté se tourne par amour vers le bien, d'où vient le bien qui ne se perd pas même quand la volonté se détourne. En effet, en se détournant du souverain bien, l'âme cesse d'être bonne, mais elle ne cesse pas d'être âme, ce qui lui donne déjà l'avantage sur le corps, la volonté perd donc ce que la volonté peut gagner. Pour vouloir se tourner vers ce qui l'a fait être, l'âme devait déjà exister, mais avant d'exister, elle n'était pas là pour le vouloir. Et voilà notre bien, celui où nous voyons s'il a dû ou doit être tout ce que nous comprenons qu'il a dû ou doit être, et où nous voyons également qu'il n'eût pas pu, s'il ne l'eût dû, être tout ce que nous comprenons qu'il doit être, bien que nous ne sachions pas comment il l'est. Or, ce bien n'est pas loin de chacun de nous, car c'est en lui que nous vivons, que nous nous mouvons et que nous sommes. Actes 17, 27, 28. Chapitre 4. Pour pouvoir aimer Dieu, il faut le connaître par la vraie foi. Mais il faut se tenir en lui et s'attacher à lui par l'amour, afin de jouir de la présence de celui par qui nous sommes et en dehors duquel nous ne pourrions pas même exister. Car comme, c'est par la foi que nous marchons et non par une claire vue, 2 Corinthiens 5, 7, nous ne voyons pas encore Dieu, comme dit le même apôtre, face à face, 1 Corinthiens 13, 12, et pourtant, si nous ne l'aimons pas maintenant, nous ne le verrons jamais. Mais peut-on aimer ce qu'on ignore? On peut connaître quelque chose et ne pas l'aimer, mais je demande si l'on peut aimer ce que l'on ne connaît pas, car, si on ne le peut pas, personne n'aimera Dieu avant de le connaître. Et qu'est-ce que connaître Dieu, sinon le voir des yeux de l'esprit et en avoir la ferme perception? Car ce n'est pas un corps qui puisse être cherché avec les yeux de la chair. Mais avant de pouvoir connaître et percevoir Dieu, autant qu'il peut être revu et perçu, avantage réservé au cœur pur, car il est écrit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu », Matthieu 5, 8, il faut que le cœur soit purifié, pour devenir capable et digne de le voir, et il ne peut être purifié qu'en aimant par la foi. Car où sont ces trois vertus, que tous les efforts des livres divins tendent à produire dans notre âme, la foi, l'espérance et la charité, 1 Corinthiens 13, 13, sinon dans l'âme qui croit ce qu'elle ne voit pas, qui espère et aime ce qu'elle croit? On aime donc même ce qu'on ignore, mais qu'on croit pourtant. Toutefois, il faut bien prendre garde que l'âme, en croyant ce qu'elle ne voit pas, ne se figure ce qui n'est pas, et n'espère et n'aime ce qui est faux. Dans ce cas, la charité ne viendrait plus d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi non feinte, laquelle est la fin des préceptes, comme dit le même apôtre, 1 Timothée 1, 5. Quand, dans la lecture ou la conversation, il est question d'objets matériels que nous n'avons pas vus et que nous croyons, l'esprit se les figure nécessairement sous des traits et des formes corporelles, au gré de l'imagination. Que l'on tombe à faux ou que l'on tombe juste, ce dernier cas est très rare, cela importe peu. Il ne s'agit pas ici de croire d'une foi ferme, mais de quelque but utile à atteindre par cette voie. En effet, parmi ceux qui lisent ou entendent lire ce qu'a écrit l'apôtre Paul ou ce qu'on a écrit de lui, qui ne se figure le visage de l'apôtre lui-même et de tous ceux dont il donne les noms, et dans la multitude d'hommes à qui ces épîtres sont connus et qui tous imaginent des traits et des figures différentes, on ne sait certainement pas quel est celui qui s'approche le plus de la vérité. Or, les formes corporelles de ces personnages ne sont pas l'objet de notre foi, mais la vie qu'ils ont menée par la grâce de Dieu et les actions que l'Écriture sainte rapporte de chacun d'eux, voilà ce qu'il est utile de croire, ce qu'il faut désirer et ne pas désespérer d'atteindre. La figure même de notre Seigneur est aussi l'objet de mille imaginations différentes, et pourtant, quelle qu'elle fût, il n'en avait qu'une. Et dans ce que nous croyons de notre Seigneur Jésus-Christ, la notion saine n'est pas celle que l'esprit s'imagine, et qui est peut-être fort éloignée de la réalité, mais celle que nous en avons d'après l'espèce humaine. Car nous portons l'idée de la nature humaine gravée dans notre âme, à tel point que nous reconnaissons l'homme ou la forme humaine aussitôt qu'elle frappe nos yeux. Chapitre 5. Comment on peut aimer la Trinité sans la connaître? C'est sur cette notion que notre esprit se règle, quand nous croyons que Dieu s'est fait homme pour nous, afin de nous donner l'exemple de l'humilité et nous faire voir l'amour que Dieu nous porte. Car il nous est utile de croire et de tenir pour principe certain et inébranlable que l'humilité qui a fait naître un Dieu d'une femme et l'a conduit à la mort au milieu de tant d'outrages de la part des hommes, que cette humilité, dis-je, est le remède souverain à l'enflure de notre orgueil, et le profond mystère qui brise le lien du péché. Ainsi encore, sachant ce que c'est que la toute-puissance et convaincu que Dieu est tout-puissant, nous croyons à la vertu de ses miracles et de sa résurrection, et nous raisonnons des faits de cette nature d'après les notions, innées ou expérimentales, des espèces et des genres, en sorte que notre foi n'est pas feinte. Car nous ne connaissons pas non plus la figure de la Vierge Marie, cette mère qui n'a point connu d'homme, qui est restée pure dans son enfantement et de laquelle le Christ est né miraculeusement. Nous n'avons pas davantage vu les traits de Lazare, ni Béthanie, ni le sépulcre, ni la pierre que le Christ fit écarter pour ressusciter le mort, ni le sépulcre nouvellement taillé dans le roc d'où il est ressuscité lui-même, ni la montagne des Oliviers d'où il est monté au ciel. Et nous tous qui n'avons point vu ces choses, nous ne savons pas si elles sont comme nous les figurons, nous penchons même à croire le contraire. En effet, quand il nous arrive de voir de nos yeux un lieu, un homme, un corps quelconque tel que nous les étions figurés en esprit, avant de les avoir vus, nous n'en sommes pas médiocrement surpris. Cela arrive rarement ou presque jamais, et cependant nous croyons très fermement à leur existence, parce que nous en jugeons d'après une notion particulière ou générale, qui est pour nous une certitude. Nous croyons, par exemple, que notre Seigneur Jésus-Christ est né d'une vierge qui s'appelait Marie. Ce que c'est qu'une vierge, ce que c'est que naître, ce que c'est qu'un nom propre, nous le savons parfaitement, ce n'est pas là un objet de foi. Mais la figure de Marie est-elle celle qui nous vient à l'esprit quand nous parlons ou que nous nous souvenons de ces faits? Nous ne le savons et ne le croyons en aucune façon. Il est donc permis, sans blesser la foi, de dire, peut-être avait-elle cette figure, peut-être ne l'avait-elle pas, mais ce serait porter atteinte à la foi chrétienne que de dire, peut-être le Christ est-il né d'une vierge. C'est pourquoi, désirant comprendre, autant que possible l'éternité, l'égalité et l'unité de la Trinité, nous devons d'abord croire avant de comprendre, et veiller à ce que notre foi ne soit pas feinte. Car il faut jouir de cette même Trinité, pour être heureux, or, si nous en croyons des choses fausses, notre espérance sera vaine, notre charité ne sera pas pure. Comment donc pouvons-nous aimer par la foi la Trinité que nous ne connaissons pas? Sera-ce comme nous aimons Paul l'apôtre, d'après une notion particulière ou générale? Si Paul n'a pas eu les traits que notre imagination lui prête, chose que nous ignorons absolument, nous savons du moins ce que c'est qu'un homme. Pour ne pas aller bien loin, nous sommes hommes, et il est clair que Paul l'a été. Que son âme a vécu unie à un corps selon les lois de l'humanité. Nous croyons donc de lui ce que nous trouvons en nous-mêmes, selon l'espèce ou le genre qui renferme au même degré toute nature humaine. Mais que savons-nous de cette souveraine Trinité, soit d'après l'espèce, soit d'après le genre? Y a-t-il donc beaucoup d'autres trinités du même genre ? Dont quelques-unes nous soient connues par expérience, en sorte que nous puissions juger celles-ci par analogie, d'après une notion d'espèce ou de genre, de manière à l'aimer sans la connaître, comme nous en aurions une autre à laquelle nous la supposerions semblable? Évidemment non. Ou bien pouvons-nous aimer par la foi cette Trinité que nous ne voyons pas et dont le type ne nous apparaît nulle part? Comme nous aimons, en notre Seigneur Jésus-Christ, sa résurrection d'entre les morts, bien que nous n'ayons jamais vu personne ressusciter ainsi. Mais nous savons ce que c'est que mourir et ce que c'est que vivre, car nous vivons et nous avons vu parfois des morts et des mourants. Or, qu'est-ce que ressusciter, sinon revivre, c'est-à-dire revenir de la mort à la vie? Quand donc nous disons et nous croyons que la Trinité existe, nous savons ce que c'est que la Trinité, parce que nous savons ce que c'est que trois choses, mais nous ne l'aimons pas pour autant. Car nous avons le nombre trois quand nous voulons, par exemple, pour n'en pas citer d'autres, en jouant à l'amour, mour, MOU2RE. Serait-ce que nous n'aimons pas toute Trinité? Mais seulement la Trinité qui est Dieu? Ce que nous aimons dans la Trinité, c'est donc qu'elle est Dieu. Mais nous n'avons pas vu d'autre Dieu et nous n'en connaissons point, parce qu'il n'y a qu'un Dieu, celui-là même que nous n'avons jamais vu et que nous aimons par la foi. Or, La question est de savoir d'après quelle analogie ou quelle comparaison avec des choses connues nous avons cette foi, par laquelle nous aimons Dieu que nous ne connaissons pas encore.